Mireille Kanyang. Dorine Wimana sur la mise en onde. Vous voudrez bien nous excuser de ces deux minutes de retard. Bonjour fidèle auditrice, auditeur de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition, ce grand rendez-vous de la mi-journée de ce lundi 9 septembre 2019. En voici les grands titres. Rentrée scolaire 2019-2020, ce lundi, une activité lancée en province Makamba par la ministre de l'Éducation. Et deux pêcheurs sur le lac Elgueru, côté commune Boussonné de la province Kirundo, ont été tués la nuit de ce dimanche à lundi. L'administrateur communal qui confirme l'information fait savoir que 8 personnes ont déjà été arrêtées. On parlera également sécurité en commune Mhanda de la province Bubanza. Et le rond-point des Nations Unies en zone urbaine d'Ongagara est de nouveau fonctionnel. C'est après près de 4 mois de réflexion. Les conducteurs demandent que la route pavée en servie lors de ces travaux soit réhabilitée. À son tour, les détails, c'est après quelques instants. Bonjour, page éducation pour débuter cette édition rentrée scolaire 2019-2020 ce lundi et lancement officiel de la campagne nationale pour le retour, le maintien et la réussite des enfants burundais à l'école, Back to School, édition 2019-2020. C'est une activité lancée à l'école fondamentale Mugeni en commune Kayogoro de la province Makamba par la ministre de l'Éducation, Janvière Ndirahisha. C'est un établissement scolaire choisi pour avoir occupé la première place avec un taux de réussite élevé dans toute la province lors du concours de 9e année. Voilà, on va en province Kirundo pour parler de ces habitants de la colline Burara, en commune Boussoni, qui déplorent l'insuffisance de l'eau potable. Dans cette localité, ils expliquent qu'ils ne disposent qu'une fontaine sur toute la colline, ce qui entraîne des bousculades quand ils s'y rencontrent pour puiser de l'eau. De plus, ils se lamentent que des étangs d'eau construits dans cette localité ne leur servent en rien, étant donné qu'ils alimentent d'autres endroits. Ces habitants demandent d'être alimentés en eau potable à suffisance. Le point avec Vestine Utoy. Ces habitants de la colline Burara, en commune Boussoni de la province Kirundo, déplorant l'insuffisance de l'eau potable dans cette localité, disent que leur colline compte 6 sous-collines et une seule fontaine. Une d'entre eux indique qu'à cause du surnombre de la population qui puise de l'eau à cette fontaine, il est difficile d'accéder à l'eau potable sous l'effet des bousculades sur ce lieu. Quand on sera à la fontaine et qu'on y trouve beaucoup de jeunes garçons, c'est presque impossible d'accéder à l'eau potable quand on porte l'enfant sur le dos puisqu'il y a tant de bousculade. Situation confirmée par le chef de la colline Burara. Il signale qu'il accueille souvent des conflits liés à ces bousculades quand on est à la fontaine. C'est un problème sérieux auquel nous faisons face fréquemment. Nous tranchons des palabres de personnes qui se sont battues étant à la fontaine, qui n'a qu'un seul tuyau. Vraiment, ça nous préoccupe. En outre, ce qui est agaçant selon eux, c'est de voir des étangs d'eau construits dans cet endroit, mais qui ne leur servent en rien, étant donné qu'ils en profitent rarement. L'eau potable ne nous parvient pas comme il le faut, parce que son distributeur seul a droit de choisir l'endroit qui va être alimenté en eau potable. Donc, il peut alimenter telle ou telle autre localité. Ces habitants de la colline Burara, en commune Boussoni de la province Kirundo, demandent d'être alimentés en eau potable en quantité suffisante pour leur bonne santé. Vestine Butoyi a ses plaintes. Albert Hatungiman, administrateur de la commune Boussoni, fait savoir qu'ils font recours au délestage pour pouvoir alimenter en eau potable d'autres localités ne possédant pas de source d'eau. Il tranquillise cette population que cette question sera bientôt résolue. Je vous prie de le suivre. Nous sommes au Kura, cette colline de Burara, la partie de la route qui mène vers Gatare. C'est une partie qui est alimentée par le réseau d'addiction d'eau potable appelé Buhasa 1. Ce réseau couvre une partie de 40 km et est géré par des délestages. Alors, cette partie fait partie des populations qui sont approvisionnées par des délestages. C'est pour cette raison que certains moments, ils ont de l'eau, d'autres moments, ils n'ont pas de l'eau. Alors, je pense que c'est un problème d'insuffisance d'eau en commune Boussoni parce que le taux de couverture en eau potable est de 36%. Vous comprendrez alors que ce problème d'eau potable se fait sentir. En deuxième, c'est que ce réseau alimente aussi une partie de la zone où il n'y a aucune source d'eau potable. La zone de Gatare et la zone de Gisenyi, les parties des collines de Guibikara et les collines de Gatete. Alors, avoir cette insuffisance d'eau potable, la population se lamente alors qu'ils ne sont pas bien servis. Et aussi, ce réseau, avoir son débit, c'est un débit qui ne peut pas satisfaire cette population. Voilà, c'est l'administrateur communal de Wusoni. Restons dans cette commune de Wusoni pour parler sécurité. Eh bien, deux pêcheurs de cette commune opérant sur le lac Rweru ont été tués la nuit de ce dimanche à lundi par un groupe armé de machettes, lances et pierres, un groupe chargé de sécurité sur ce lac. Du côté de la province Muyinga, c'est une information confirmée par l'administrateur communal de Wusoni. Albert Atungimana a informé que 8 personnes parmi les membres de ce comité de sécurité ont été arrêtées. Et de son côté, le président du comité des pêcheurs sur le lac Rweru demande que la sécurité soit renforcée. Au studio, je suis avec Eli Nibel. Nibigira, plus de détails Nibel. Selon des informations recueillies sur la colline Kumana de la commune Wusoni en province Kirundo, parle de 2 pêcheurs tués à l'aide de machettes et 3 blessés la nuit du dimanche à lundi par un groupe de jeunes qui dit être chargé de la sécurité dans le lac Gweru, partagé par les communes Wusoni de la province Kirundo et Giterangi de la province Muyinga. L'administrateur de la commune Wusoni dit qu'il s'agit d'une attaque armée en provenance d'Onzove à Giterangi. Un groupe de criminels venant de la commune Giterangi, zone Ruzo, d'Onzove, a attaqué 12 pêcheurs de la commune Wusoni, natifs de la colline Kumana, zone Nyagisozi, qui était dans le lac Gweru, dans une partie appelée Kuruharata. Et 2 personnes sont mortes, 2 autres sont blessées gravement, ils sont hospitalisés à l'hôpital de Muyinga, et 7 autres ont échappé. Ils ont été sauvés par l'armée marine de la position d'Onzove. Albert Atungimana affirme que ce n'est pas la première fois que cette bande commet des forfaits. Cette autorité communale indique que les blessés ont été acheminés au centre de santé de Kungumu, puis transférés à l'hôpital de Muyinga. De plus, 8 personnes ont été arrêtées et 2 parmi eux restent en prison. Ce groupe de criminels était armé d'armes blanches, les machettes, les lances. Et ils avaient aussi des pierres. C'était un groupe de criminels organisés. On soupçonne que ce groupe est la tête. Ce n'est pas la première fois qu'ils commettent ces forfaits. Même dans les années passées, même dans les mois passés, les pêcheurs de Wusoni sont victimes de cette barbarie criminelle de ce même groupe. Ce groupe, ce n'est pas un groupe de pêcheurs. Ce sont des groupes de malfaiteurs qui attaquent les pêcheurs, qui volent, qui pillent à toute personne qui est dans ce lac. Nestor Mugabonihera, président de la coopérative des pêcheurs, demande que la sécurité dans ce lac soit renforcée. Pour le moment, les travaux de pêche ont été suspendus dans ce lac et les corps des victimes n'étaient pas encore été retrouvés jusqu'à midi de ce lundi. Merci Eli Nibel Nibigira pour tous ces détails. Restons en page parlons encore sécurité, mais cette fois-ci en commune Mpanda de la province Bubanza, où un jeune garçon de 17 ans a été tué à la machette. C'était ce dimanche soir à Gako, sur la colline Moussegni. Selon les témoins sur place, à Gako, l'enfant gardait un champ de palmiers à huile. Et donc, où un voleur s'est introduit dans ce champ et a commencé à couper les fruits de palmiers mûrs. Et l'enfant a crié au secours. Eh bien, le voleur s'est vite tourné vers le gardien et l'a grièvement blessé à la machette. Simon Bizimounsi, chef de colline à Moussegni, fait savoir que le présumé auteur de ce crime a directement été arrêté. Il est détenu au cachot de police judiciaire de Mpanda. La radio de l'avenir. Parlons justice transitionnelle à 13h06 dans le studio de la radio Isanganiro. Exhumation ce lundi des restes des corps humains retrouvés dans les enceintes de la société Metalusa, assise dans la zone urbaine d'Ongagara. Deux restes de corps humains qui datent de très longtemps ont déjà été exhumés. Ce travail est supervisé par des experts du CICR, certains des commissaires de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Suivez l'un des membres de cette commission Vérité et Réconciliation. C'est un travail, une activité d'exhumation des restes humains qu'on a trouvé dans les enceintes de cette société Metalusa. Donc apparemment ce sont deux corps qui ont été enterrés séparément. Vous voyez, de l'autre bout, on a trouvé les restes d'une personne. Et même ici derrière moi, en continuant à creuser, je pense qu'on ne trouvera autre qu'une autre personne. Donc, on procède à l'exhumation. Après, on prendra ces restes dans un milieu bien sécurisé pour la conservation, pour un éventuel enterrement digne après. De toutes les façons, l'enquête va continuer. Ici, on ne procède qu'à l'exhumation. Nous allons, d'une manière ou d'une autre, continuer l'enquête ou les enquêtes, et après, la vérité sera découverte. La CVR ne peut pas dire ça tant que les enquêtes ne sont pas encore épuisées. Ceci étant, vous savez que cette société a commencé depuis 1953. D'après l'historique. Ce qui veut dire que si les gens de Metalusa savaient qu'il y a des restes ici et là, ils nous auraient déjà communiqué ça, mais eux aussi, ils ont été surpris quand ils étaient en train de creuser ce caniveau. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas donner maintenant même les résultats. Après, parce que les enquêtes ne sont pas encore terminées. Pascal Nyonguru, c'est un membre de la commission Vérité et Réconciliation au micro de Ben Nyonguru. Je vous l'avais annoncé en titre, la circulation au rond-point des Nations Unies en zone urbaine et d'Ongagara vient de reprendre. Les travaux de réhabilitation de ce rond-point avaient débuté en avril de cette année. Certains transporteurs se disent satisfaits des travaux qui ont été exécutés, demandent de la réhabilitation des voies pavées qui sont abîmées suite aux nombreux véhicules qui avaient triplé sur ces voies. Les détails avec Charles Makoto. Kuri turashima kandi n'igikorwa twabonye ko igikorwa cyiza sana n'ukuntu bari kozitwa ko ari ubuhinga bwa none. Les techniques modernes auxquelles fait allusion ce transporteur sont liées aux matériaux utilisés dans le ciment dans la réhabilitation du rond-point dit des Nations Unies situé devant la permanence nationale du parti CNDD-FDD. Nous sommes dans la zone urbaine d'Ongagara. Les véhicules et les motos venant de différents coins y effectuent des mouvements de va-et-vient. Un conducteur de bus rencontré sur le parking de Boubanza, tout près du marché dit Kotebu, indique que c'est un ouf de soulagement car la circulation était, selon lui, devenue un casse-tête dans les alentours du rond-point. Un autre conducteur interrogé fait savoir que des déviations entraînées par l'arrêt de la circulation au rond-point qui a été réhabilité depuis le 29 avril dernier avait entraîné le délablement des voiries pavées des alentours. Il demande qu'il y ait des travaux de réhabilitation de ces routes pavées et indique qu'ils sont prêts à collaborer. Sur place, des travaux de finissage sont en cours sur le côté de la route. Les informations sur place indiquent que la suite des travaux sera l'aménagement de l'espace à l'intérieur du rond-point pour embellir cet endroit. Charles Makoto, la situation des laboratoires de la capitale économique Bujumbura est bonne. Des efforts sont nécessaires pour celle de l'intérieur du pays. Ceci est dit par le directeur de recherche à l'Institut national de santé publique à l'heure d'un atelier de formation des formateurs sur l'assurance qualité. Le docteur Dionise Nyonizigye informe que cette formation permettra d'améliorer la qualité des services de laboratoires. Des détails avec Moïse Misago. Selon le directeur de la recherche à l'Institut national de la santé publique, INSP, les laboratoires de l'intérêt du pays nécessitent un renforcement et un appui en matériel. Docteur Dionyse Nzigimana précise que celles de la capitale Bujumbura sont en bonne qualité. Il espère que cette formation aura une plus-value pour le personnel de laboratoire. Si au niveau de notre pays, pour la qualité de laboratoire, je pense que c'est une qualité qui est aussi bien, si je peux le dire ainsi. Par exemple, si on fait référence au niveau du laboratoire national de référence au niveau de l'INSP, un laboratoire où le niveau de formation déjà qui travaille est élevé. Mais si on fait référence aussi au laboratoire au niveau de l'intérieur, je pense qu'il y a un besoin aussi important à ce que le personnel qui travaille dans ce laboratoire au niveau de l'intérieur soit aussi renforcé en capacité et aussi soit équipé en matériel qu'ils peuvent utiliser. Tade Nyoitungira, coordinateur adjoint du réseau régional intégral de surveillance des laboratoires de l'Afrique centrale, indique que cette formation vise à ce que les résultats des laboratoires régionaux répondent aux normes internationales. Alors, cette formation sur la qualité vient dans cette optique pour s'assurer que les laboratoires d'Afrique centrale soient renforcés dans la sphère de la qualité. Pourquoi la qualité ? Pour assurer à nos clients, les clients ce sont les patients, que les tests ou bien les analyses médicales qu'ils font sont de normes ou bien sont conformes aux standards internationaux. Cet atelier rassemble les laborantins de 9 pays de l'Afrique centrale. Docteur Dionyse Nzigimana demande aux organisateurs un appui en matériel de laboratoire et le renforcement des capacités des laborantins. Moïse Misago, parlons football. À présent, les amateurs du ballon rond des zones urbaines de Bouisa et Bouyenzi disent avoir mal accueilli la défaite de l'équipe nationale de football ce dimanche face à la Tanzanie. Les Inhamba Murugamba ont été éliminés pour la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Certains des fans des Inhamba vont plus loin pour demander la démission du sélectionneur national. Suivez. Ntiworeka kubabana kuko amahigo yari hajya nyene nk'umukunzi w'umupira wumvise igihugu cyawe giteye kije imbere uranezerwa birenze bijya ko byashitse nta kundi turihangana. Non, on ne peut pas s'en passer de la défaite d'hier, mais on n'a pas de choix. L'on pourra gagner ultérieurement, c'est comme ça dans le football. Le match s'est bien déroulé, mais le problème de tous les jours est que quand on marque, on encaisse après quelques minutes. Je demanderai que cela soit minutieusement analysé, car ça nous cause beaucoup de frustration. Moi, je constate que les joueurs sont mal alignés au milieu du terrain. Il faut qu'il y ait des joueurs qui puissent distribuer des ballons pour que l'attaque puisse marquer. Moi, je trouve que notre entraîneur n'a pas un système offensif ou défensif pour préserver la victoire. Moi, je demanderai que notre entraîneur soit remplacé. Je demanderai que, si possible, l'entraîneur soit remplacé. Il ne change jamais de jeu. C'est le même système de jeu à domicile ainsi qu'à l'extérieur. On n'aboutira à rien si les choses restent ainsi. Moi, je constate que notre entraîneur a démérité. Moi, je ne passe pas par quatre chemins. Il faut qu'il soit remplacé pour qu'on ait un coach qui puisse améliorer le niveau de notre équipe. Nous avons une bonne équipe, mais l'actuel entraîneur cause problème. Il faut qu'il soit remplacé. Moi, je ne trouve pas que la priorité serait de remplacer le sélectionneur. Il faut plutôt l'approcher, lui montrer là où il faut corriger, surtout dans les remplacements. Il a ses mauvaises habitudes de procéder au remplacement très tardivement. Terminons juste sur ces réclamations de départ du coach de l'équipe nationale. Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la FFB, apprécie les prestations du sélectionneur des Hirondelles. Terminons cette édition par cette page justice. Comparution ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre en France. du couple Gabriel Mpozagara, ancien ministre de la Justice et puis de l'économie des années 70. Candide et Gabriel Mpozagara sont accusés de commettre le délit de soumission à du travail ou à des services forcés dans des nommées méthodes de Sinda Igaya qui était leur domestique. Il confie au journal Libération que pendant 10 ans, il était privé de toute sortie et soumis aux travaux forcés. Ses conjoints Mpozagara, selon la Radio France Internationale, risquent 7 ans de prison et une amende de 150 000 euros. Une nouvelle qui vient de me parvenir au studio, c'est que des clients se plaignent que le ciment fabriqué au Burundi par Bousseco est difficile à trouver ces derniers jours. Cela est affirmé par certains commerçants qui avancent que cela est dû au retard lors de l'approvisionnement. Les clients et commerçants demandent à Bousseco de régler cette question pour faciliter le commerce. On attend toujours la réaction de la part de cette compagnie de cimenterie Bousseco. Point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Plutôt Dorine Ouimana qui a assuré la mise en onde de jeudi. Merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Oh.